Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. Et pour terminer l'émission, nous vous proposons une légende selon laquelle les Africains auraient atteint l'Amérique avant Christophe Colomb. Or, les légendes ne partent pas de rien. Et on sait par ailleurs que Christophe Colomb n'est pas le premier Européen à avoir foulé le sol américain. Alors, y a-t-il quelque chose de vrai dans cette légende? La réponse avec Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors, j'ai vu circuler cette semaine cette histoire-là où un souverain du Mali, Aboubakri, deuxième du nom, aurait traversé l'océan Atlantique au début du 14e siècle. Et ça, ça a un peu piqué ma curiosité. Je me suis demandé d'où venait cette histoire, sur quoi elle se basait aussi. Je me suis donc penchée à comprendre cette histoire-là, son origine et sur quelle information elle s'appuyait. Alors, quelle est cette histoire que l'on raconte? Il s'agit en fait d'une histoire d'un grand rêveur. C'est Aboubakri, roi du Mali, qui rêvait de découvrir ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Mm-hmm. Il a envoyé dans un premier temps un contingent de navires à parcourir l'océan et à explorer ce qui pourrait peut-être se retrouver là, dans ce grand inconnu-là. Et il y a un seul bateau qui va revenir de cette expédition. Mm-hmm. On va raconter au roi qu'ils auraient été pris dans une grande rivière au plein milieu, en beau milieu de l'océan, et qu'elle les aurait engloutis, à l'exception d'un seul et même bateau. OK, c'est pas plus détaillé que ça. Non, malheureusement. Aboubakri, il n'est pas très content de cette issue, et il va décider de prendre les choses en main et de partir lui-même avec son expédition. Il va nommer son frère Moussa pour le remplacer sur le trône pendant qu'il est absent. Mais le problème, c'est qu'Aboubakri, il ne reviendra jamais. Mm-hmm. C'est tout de même assez particulier. D'où vient cette histoire? Est-ce que, est-ce du folklore local ou encore mm-hmm. est-ce qu'on a une version écrite de ça? Oui, on a une version écrite qui a été mise à l'écrit quelques années à peine après le départ présumé, si on veut, d'Aboubakri II. Son frère Moussa, qui le remplace sur le trône, va partir en pèlerinage à la Mecque, mm-hmm. Donc en Arabie Saoudite. Et c'est un voyage qui ne se fait pas sans bruit parce qu'il est accompagné de plus de 60 000 hommes. Et dans chaque ville qu'il va traverser, il offre des richesses. Il fait construire même une mosquée à chaque vendredi, mm-hmm. à chaque ville, en fait, à la localité où il va s'arrêter. Alors, il ne passe pas inaperçu. Non, exactement. Et il y a un historien de Damas qui s'appelle Shihab al-Oumari qui va noter ce périple incroyable et opulent. Et puisque ce dernier va rencontrer Moussa, il va s'intéresser aussi à son ascension au pouvoir. Et lui raconte que son frère, intrigué par l'océan et de ce qu'on pouvait peut-être retrouver de l'autre côté, avait décidé de partir en lui laissant la régence pendant son absence. Mm-hmm. Par contre, le texte qu'on a de cet historien d'Oumari, ça mentionne à aucun endroit le nom d'Aboubakri. Okay. Là, il y a deux choses. Premier petit problème, c'est que l'identification qu'on a de ce souverain-là, d'Aboubakri, ça repose sur une chronologie qu'on a fait dans le passé des empereurs du Mali, en fait, qui a été fait par l'africaniste Maurice de la Fosse, d'après les sources écrites, ça c'est très bien, sans l'aide de tradition orale, mm-hmm. mais il y a eu une lecture erronée des sources arabes, due entre autres à une erreur de traduction. Mm-hmm. L'autre petit problème, si on veut, c'est que le folklore africain n'a pas su retenir le nom d'Aboubakri. Donc, quand on regarde dans le passé, il y a une centaine d'années, il n'y a pas cette mention de cette histoire-là. Ça s'explique parce que les griots, ou en fait des bardes qui se chargent, entre autres, de raconter l'histoire traditionnelle en Afrique, ont longtemps trouvé que la démission, si on peut l'avoir comme telle, du roi, faisait un peu mauvaise figure dans l'histoire avec un grand H. Donc, ils n'ont pas vraiment encensé ce roi navigateur avant, disons, les dernières années ou les dernières décennies. Et tu disais que tu avais vu circuler cette histoire, en fait, circuler sur Internet, sur quel site? Oui, c'est un site crédible? Crédible, oui, oui et non, peut-être. Hein, tout peut avoir sa ouais, sur Internet. Oui. Alors, ce que j'ai vu passer, ça provient d'un site qui est pro-africain, qui tend à travers différentes visées de contribuer à la cause des Noirs. Et un de leurs objectifs est justement d'armer les gens de vérité historique. Et le texte que j'ai lu sur ce site-là se réfère à un ouvrage d'Ivan Van Sertima, un Guyanais, professeur à Rutgers, à l'Université de l'État du New Jersey, aux mm-hmm. États-Unis, et il est un enseignant au département des études africaines. Et lui, Van Sertima, a été connu pour ses études sur l'origine de la civilisation olmèque qui propose une filiation directe africaine. C'est une idée que d'autres chercheurs ont aussi défendue avant Van Sertima, qui était basée entre autres sur la ressemblance dans le faciès mm-hmm. des Olmèques et des Africains. Et j'avoue, la ressemblance que je vois dans la sculpture, là, il y a des traits quand même, si on veut, africains dans la civilisation olmèque, parce que les statues vont montrer des lèvres qui sont plutôt pulpeuses et un nez qui est assez large aussi. Et certains de ces chercheurs voyaient aussi d'autres similitudes, entre autres dans l'épigraphie, donc dans l'écriture, et dans la morphologie osseuse des crânes qui ont été trouvés. OK. Et est-ce que tu peux nous donner des informations sur ces ressemblances? Enfin, avant toute chose, je dois quand même préciser que c'est des idées qui ont pris naissance il y a très longtemps, 19e siècle, début du 20e siècle, peut-être à un certain moment où on n'avait pas toutes les données accessibles. Donc, quelques chercheurs ont prétendu que les premiers systèmes d'écriture de la Mésoamérique, entre autres Maya, étaient apparentés aux écritures africaines. Il y a un certain chercheur, Constantine Samuel Rafinesque, qui s'est longuement penché sur la langue et la culture maya. Il a, entre autres, réussi à déchiffrer partiellement la langue maya, mais il a aussi fait des rapprochements avec une certaine alphabet qu'on retrouve en Afrique du Nord, donc l'alphabet Tifinag, je crois que ça se prononce comme tel, que l'on retrouve chez les Amazigh. Pour ce qui est de la morphologie osseuse, c'est une autre étude que j'ai lue, celle de Andrzej Wierzynski, un anthropologue de l'Université de Varsovie, qui prétend que certains des Olmèques, une certaine population chez les Olmèques, étaient d'origine africaine. Il soutient cette affirmation avec l'étude d'une centaine de crânes qu'on retrouve sur deux sites mésoaméricains, Tlatilco et Cerro de las Mesas. Il y a peut-être quelques problèmes, encore une fois, qui surgissent dans la tenue de cette analyse-là. D'une part, la localisation et la durée des sites archéologiques en soi en font pas vraiment des sites olmèques à proprement parler. Tlatilco est en fait en plein milieu de la terre de la culture maya, donc non olmèque, mais c'est vrai qu'on retrouve une influence olmèque dans l'architecture sur le site. Donc, il y a certainement eu une sorte de mélange, si on veut, entre les Mayas et les Olmèques. Autre chose, les crânes qui ont été étudiés, qui proviennent de l'autre site, donc de Cerro de las Mesas, se trouvent, lui, oui, en plein milieu de la civilisation olmèque. Ça, tout va bien, mais la Syrie aurait été datée aux alentours de 200 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est 600 ans après la fin de la culture olmèque. Bon. En soi, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu d'Africains, mais ça veut dire qu'il y en a eu, mais au-delà, si on veut, de la civilisation olmèque. Donc, ça détruit en aucun cas l'hypothèse de l'arrivée des Africains en Amérique. Par contre, si c'est vrai, ça veut dire qu'on recule substantiellement la traversée des Africains. Mm-hmm. Parce que moi, l'histoire que j'ai lue, ça parlait du 14e siècle. Là, on est à des milliers d'années avant ça. Et quel est l'autre problème de l'étude de Wierzynski? En fait, la méthode qu'il a utilisée, c'est une méthode qu'on appelle comparative morphologique polonaise, qui, elle, va se limiter à un spectre de comparaison très étroit. On a trois types, caucasien, mongolien et négroïde. Donc, ça veut dire que les Amérindiens en soi, ils sont amenés à être insérés dans un de ces groupes-là, ce qui fait pas vraiment de sens. Ça va produire, en fait, un biais dans l'échantillonnage qu'on fait dans l'étude. Il y a aussi, j'ai lu quelques mentions ici et là d'une corrélation dans les gènes entre Africains et Amérindiens, mais quand on lit toutes les études sur l'origine des peuples des Amériques, ben il y a absolument aucune preuve là, génétique qu'il y a des gènes africains à l'intérieur des vieilles populations amérindiennes de la Mésoamérique. Un petit mot comme ça, aucun chercheur spécialisé dans la Mésoamérique va appuyer ces dires-là. Donc, il y a vraiment un consensus contre l'idée des Africains en Amérique. Alors, rapidement, est-ce qu'on peut résumer le problème comme étant l'antagonisme entre l'histoire orale et l'archéologie? Oui, tout à fait. C'est deux visions différentes qui se parlent pas, si on veut, même si aujourd'hui on prône un peu la multidisciplinarité qui devrait éventuellement pouvoir peut-être résoudre un problème comme ça. Mais oui, tout à fait. Deux visions complètement différentes. Quoique cela n'empêche pas que quelques individus aient traversé l'Atlantique. Tout à fait. S'ils n'ont pas laissé de descendants, la comparaison des morphologies et les analyses génétiques reste muette. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci.